soir, étrangement, le chapiteau repose. La mort a fait main basse sur le rire des enfants. Le clown s'en est allé et la lune répand sur son lit les onguents de la métamorphose. La fanfare affligée et les cuillères en pleurs. Les petits poneys blancs aux toupets de velours l'escorteront demain à grands coups de tambour sur la butte escarpée où sera sa demeure. Drapé dans l'azur, ira dire aux planètes, naissante toute pleine de vie à décanter, le secret lourd et bleu des rires désenchantés, qui sonnent en mineur les flanflons de la fête, dans un cirque étoilé tendu de nuées blondes, pour des soleils enfants aux rires incandescents, le clown fera revivre ridicule et savant, les rires où sont cachées les détresses du monde. Rire du vieillard près de l'arbre à palabres, cassant comme un regret sous le poids d'un jour neuf. Le rire du coulis éreinté comme un bœuf, ou le rire du fou affûté comme un sabre. Saltimbanque des rires qu'une larme enchevêtre, il jonglera si bien le clown que l'infini refera le calcul de ses cosmogonies pour renouer les fils de ses pantins terrestres. Le pire, le rire impardonnable, ce triste rire d'enfant s'il a que déjà vieux, pour qui le clown ira botter le cul des dieux, là où qu'il soit, dans leur Olympe improbable, là où qu'il soit, dans leur Olympe improbable.